passion, partager sa douleur. À 4h du matin, j'éclaterai bien bébé contre les murs. Maman a les formes à cause de l'enfant. Mais moi j'ai les burnes au bord de l'implosion. Alors j'entreprends maman, mais elle me lit le front. Arrête, tu vas réveiller notre bébé jaune. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle est en train de pioncer dans son lit. Au bout d'une demi-heure, j'arrive à dompter ma lionne. Mais déjà dans la nuit, des pleurs résonnent. Pour un troisième morpion, un petit pendouillard, ouais, si possible un garçon. Mais aujourd'hui, quand je vois qui chez moi gouverne, je mets toute idée de fécondation en berne. À la maison, ce n'est plus moi le centre du monde. Ma femme et sa copine ont un sujet tout trouvé, ouais, leur sujet favori de discussion correspondent.